Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le temps du don. Au programme de cette 11e émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito portera sur l'engagement dans le monde associatif des jeunes. Ce mois-ci, nous parlerons donc jeunes, puisque nous recevrons la plus jeune présidente d'association de donneurs de sang bénévoles du département. Et nous finirons bien entendu avec l'agenda du don du mois de juillet. Le temps du don, le temps de l'actu. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Alors Dominique, qu'est-ce qui a attiré ton attention ces derniers jours ? Alors tout d'abord, c'était la journée mondiale des donneurs de sang bénévoles, c'était le 14 juin. Alors si vous avez vu vos bâtiments communaux éclairés en rouge, vous avez maintenant compris pourquoi. Ce fut à la fois une journée pour sensibiliser au don de sang, mais aussi pour remercier ceux qui tendent leurs bras ou ceux qui ont tendu leurs bras de façon anonyme, bénévole et gratuitement pour que d'autres personnes soient sauvées ou pour qu'ils soient en bonne santé. Les grandes vacances s'approchent, Dominique. As-tu des activités à nous proposer ? Et oui, nous sommes en juillet et malgré le soleil, prendre une heure de son temps entre deux bains de mer pour certains, ou pour ceux qui ne partent pas en vacances en juillet, ou cet été, ou alors ils vont partir plus tard, eh bien, prenez une heure pour donner votre sang ou votre plasma. Je sais, Christophe, c'est pas une heure pour le plasma, mais les réserves sont faibles. J'ai rien dit. Ah, je sais. Comme souvent, quand il y a des vacances ou des ponts, comme en mai, eh bien, les donneurs sont moins disponibles, mais malgré tout, les malades sont là et ont toujours les mêmes besoins. Et je tenais à vous dire que dans les maisons du don, eh ben, c'est climatisé. Alors, allez prendre le frais chez eux et n'oubliez pas de vous hydrater, surtout si vous voulez faire un don. Et même si vous ne donnez pas, hydratez-vous, c'est important quand il fait chaud. Une autre actu peut-être ? Oui, c'est le super travail des associations de Meurthe-et-Moselle au Parc des Expositions. Je sais que tu y étais et moi aussi, et ça s'est passé du 6 au 14 juin. On a vu passer Miss Lorraine, Miss Meurthe-et-Moselle ou Jérôme Prud'homme sur le stand chercher l'intrus. Les visiteurs ont pu faire beaucoup de promesses de dons et ils ont pu passer à notre stand et rencontrer Globuline, faire des selfies, les reposter. Donc si vous avez vu des vidéos ou des photos Instagram ou autres de vos copains à côté d'une grande mascotte rouge, non, ce n'était pas la mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui s'est perdue ou qui est en reconversion professionnelle. C'est notre mascotte Globuline qui vous rappelait l'importance de donner. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver assez souvent sur des stands ou lors de matchs de différents sports sur l'agglomération de Nancy. Si tu me permets, j'en profite pour remercier les 14 associations qui ont mis à disposition une cinquantaine de bénévoles pour tenir ce stand. C'était voilà. Grand merci à ces associations. Ouais, merci à eux. Et enfin, je termine en vous informant que le groupe jeune, justement aujourd'hui, on va en parler après, de la Fédération des donneurs de sang bénévoles recrute tous des jeunes de 16 à 30 ans. Donc si vous souhaitez participer à des actions d'envergure, votre profil les intéresse, n'hésitez pas donc à visiter leurs réseaux sociaux et les contacter sur Instagram, TikTok, don du sang bénévole, Facebook et LinkedIn, et leur email groupejeune@dondesangbénévole.fr ou alors votre moteur de recherche, vous tapez groupe jeune don du sang et vous trouverez tout de suite. Le temps du don, le temps de l'édito. On entend souvent dire que les jeunes ne s'intéressent plus à rien, qu'ils seraient désengagés, individualistes, davantage préoccupés par leurs écrans que par le monde qui les entoure. Mais sur quoi sont basées ces affirmations ? La réalité raconte une toute autre histoire. Des jeunes qui s'engagent, on en rencontre. On les retrouve dans les associations pour le climat, contre les discriminations, dans les actions de solidarité ou encore dans la vie locale. Ils manifestent, débattent, créent des collectifs et lancent des projets. Alors certes, leur manière de s'impliquer est parfois différente de celle des générations précédentes, mais elle n'en est pas moins réelle. Alors pourquoi a-t-on encore tant de mal à leur faire confiance ? Dans de nombreuses associations, les postes à responsabilité restent occupés pendant des années par les mêmes personnes. On dirait qu'elles sont accrochées à leur trône. L'expérience est précieuse, bien sûr, mais elle peut parfois se transformer en verrou. On demande aux jeunes de s'investir, et après on leur explique qu'ils sont trop inexpérimentés pour décider. On les invite à participer, sans toujours leur donner leur pouvoir d'agir. Et du coup, c'est là que naît une forme de frustration. Alors comment apprendre à prendre des responsabilités si personne ne nous en confie ? Comment renouveler les idées si les portes restent entrouvertes mais jamais complètement ouvertes ? Alors attention, il ne s'agit pas là d'opposer les générations. Les anciens, ils ont une mémoire, un savoir-faire, une connaissance du terrain qui est irremplaçable. Les jeunes, ils apportent de nouvelles approches, d'autres priorités, une énergie différente. Les uns ont l'expérience, les autres l'élan. Le véritable défi est donc celui de la transmission. Accepter de passer le relais ne signifie pas disparaître. Passer le relais, cela signifie accompagner, conseiller et faire confiance. Car une société qui ne laisse pas de place à sa jeunesse prend le risque de décourager celles et ceux qui souhaitent s'engager. Et une jeunesse à qui l'on refuse toute responsabilité finit, souvent, par se détourner de la vie collective. Et ce n'est pas parce qu'une tranche de jambon n'est pas mise dans le même sens qu'avant dans le pain que cela va changer le goût pour un donneur, et que ce donneur ne reviendra pas à la prochaine collecte. Donc si nous voulons que les jeunes s'investissent davantage, il faut cesser de leur demander d'attendre leur tour. Et peut-être est-il déjà venu ce tour. Après tout, préparer l'avenir, ce n'est pas seulement écouter la jeunesse, c'est aussi lui permettre d'agir, dès aujourd'hui. Le temps du don, le temps de l'invité. Et cette semaine, dans le temps du don, nous recevons la présidente de l'association pour le don de sang de La Neuveville devant Nancy, Elsa Maire. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Christophe. Bienvenue dans le temps du don. Merci. Alors, dans un premier temps, Madame la Présidente, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Ensuite, je vous ferai participer à un petit quiz. Et puis, je vous inviterai à nous parler des actions que vous menez avec votre association. C'est OK pour vous, Madame la Présidente ? C'est nickel. Allez, c'est parti. Alors, Elsa. Eh bien, je m'appelle Elsa. Moi, je m'appelle Elsa, donc j'ai 21 ans. Je suis étudiante très, très prochainement diplômée journaliste. Ah ouais ? Oui. Ça nous intéresse, ça. On en reparlera après. Donc voilà, je suis journaliste, je travaille à Lyon, mais j'ai toujours vécu à Nancy. Et je suis présidente de l'asso de La Neuville depuis juin 2024, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait quoi ? Ça fait présidente avant 20 ans, ça ? Ça fait présidente à 19 ans, ouais. Oh là là, la plus jeune présidente du département, elle est à côté de nous, ouais. Voilà, et j'ai commencé en réalité dans l'asso très jeune. Je devais avoir 7 ans quand j'ai commencé dans l'asso. Wow, travail dissimulé d'enfant. Voilà, de l'esclavagisme profond. Non, c'est une blague, hein, bien sûr. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à distribuer les collations en fait, après les dons à La Neuville avec mon papy à l'époque qui était président. C'est pour ça alors. Oui. Je me disais, ils ont trouvé un enfant et puis ils l'ont fait travailler, mais non. Chercher de la lumière, j'ai vu, je suis rentrée. Comment il s'appelle le papy ? Papy, il s'appelle Guy. Bah on lui fait un petit coucou à Guy. Un bisou. Bah, un bisou alors. Elsa, est-ce que vous êtes donneuse de sang vous-même au fait ? On n'a pas dit ça. Je milite. D'accord. Je suis très très très très phobique des aiguilles. D'accord. Mais j'y travaille dur en ce moment. C'est mon objectif pour 2027. Très bel objectif. Comme quoi on peut être président d'association et pas forcément avoir déjà connu cela. C'est une idée reçue aussi qu'on peut avoir. On n'est pas forcément obligé d'être donneur pour intégrer une association de donneurs de sang. Oui, puis à ma décharge, j'ai quand même 2-3 trucs médicaux qu'il faut que je ne peux pas. Donc on ne rentrera pas dans les détails. Voilà. Bien sûr, Elsa. Merci Elsa pour cette première présentation. Avant de poursuivre l'échange, ce que je vous propose, c'est de jouer au temps du quiz. Allez. Le temps du don, le temps du quiz. Alors pas de stress, hein, c'est un petit QCM. La première question, elle est toute simple. Quel est le pourcentage de plasma dans une poche de sang ? Réponse A, 35%. Réponse B, 45%. Réponse C, 55%. Je dirais 55. Effectivement, ouais, Dominique. Comme la Meuse, 55. Merci pour cette information complémentaire. Donc, d'ailleurs, en parlant d'information complémentaire, là, on parle de 55%. Pour arriver à 100%, sachez qu'il y a 44% de globules rouges et 1% de plaquettes et globules blancs. Voilà, on arrive au total de 100%. Merveilleux. T'es fort en maths, hein. Je sais. On passe à la deuxième question ? Bah, vas-y. Allez. Écoute-moi. Imaginons, je suis fumeur. Est-ce que je peux donner mon sang ? Donc là, c'est un oui ou un non. Spinner, hein. J'imagine. Bah, et oui, oui je peux. Oui, on peut. Tout à fait. Effectivement, donc ça, c'est une question qui revient souvent là, quand on est sur des stands de sensibilisation. C'est pas parce que l'on fume des cigarettes que l'on ne peut pas donner son sang. Alors, bien entendu, après le don, il vaut quand même mieux éviter de fumer pendant 2 heures hein, pour que le sang ait le temps, effectivement, de s'oxygéner et puis éviter tout risque de malaise. Hein. Le mieux, bien sûr, étant de ne pas fumer, évidemment. Donc, bravo à tous les deux. Moi, j'espère que vous avez appris quelque chose quand même en vous amusant pour vous qui nous écoutez. Et maintenant, on va continuer. Le temps du don, le temps de l'invité. Alors, nous recevons la jeune présidente de l'association pour le don de sang de La Neuveville, Elsa. On a fait connaissance juste avant le quiz. Maintenant, je souhaiterais qu'on aborde un peu les actions que vous avez menées avec vos bénévoles depuis que vous avez repris l'association. Donc, c'était il y a 2 ans, hein, si je me souviens bien. Vous êtes combien déjà à la Neuville ? Alors, je suis pas une bonne élève parce que je retiens pas exactement. Ah. En bénévole actif, on est un petit peu moins d'une dizaine. Ok. En adhérent, on est entre 20 et 30 selon les années. Ok. En termes d'activité, nous, ça... Juste, vous faites le distinguo entre les bénévoles actifs, donc ceux qui participent à quoi ? Ceux qui contribuent très activement aux collectes, l'organisation, les collations, les mises en place de l'affichage, tout ça. Mmh. Et puis après, adhérents, c'est simplement ceux qui ont leur cotisation à jour, en fait, qui donnent leur petite cotisation de 10 euros l'année. Donc, 10 euros l'année pour être adhérent à la Neuville. Ok. Voilà. Je vous ai coupé là quand vous alliez me parler un peu des activités que vous menez tout au long de l'année. Que faites-vous alors ? Eh bien, premièrement, on fait ce qu'on est censé faire en tant qu'ADSB, c'est-à-dire on aide l'EFS à mettre en place les collectes locales. Ok. Donc ça passe déjà par l'affichage, l'annonce en fait de la collecte. Mmh. Donc, tout l'affichage dans toute la commune, puis un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, concrètement, après, il y a la collecte en tant que telle, avec notamment la collation pour laquelle nous sommes très réputés à la Neuville, où on a de superbes gaufres faites par ma mamie, que j'embrasse également. Une histoire de famille, décidément. C'est l'émission bisous. Donc, voilà, c'est une chose qui nous tient à cœur, nous, à la Neuville, c'est que les donneurs passent un bon moment avant tout, parce qu'on sait que pour certains, c'est pas forcément sympa de se faire piquer le bras. Oh bah, je les comprends. On est peu de personnes pour qui c'est un kiff de se faire piquer le bras, on est bien d'accord. Dans le contexte licite, en tout cas, ça n'est pas bien un sûr. Mais en tout cas, nous, ça nous tient à cœur que derrière, les donneurs soient bien accueillis et puis profitent quand même de leur moment de collation, c'est-à-dire qu'ils sont coincés, entre guillemets, 20 minutes à attendre le délai légal pour repartir. Tout à fait. Donc, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible avec plein de bonnes choses à manger qu'on renouvelle selon les périodes. Et puis, en termes de collecte, c'est à peu près tout, je crois. Je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose, pareil, quand on est sur des stands de promotion du don, mais oui, les gens nous parlent des collations, quoi. Il n'y a pas... C'est vraiment un incontournable. Alors, pour en faire quelques-unes aussi... Partout où je passe, on me dit que c'est la meilleure collation. Hein, mais... Merveilleux. Non, et puis c'est mais vrai que... chacun ses spécialités. C'est quoi votre spécialité, vous ? Nous, c'est la gaufre. Hein. La gaufre, hein, ouais. La gaufre de mamie. Ouais, la gaufre c'est de ça, mamie. Ouais. Non, et puis c'est vrai que moi, pour avoir été à la fac quelques années, quand le FS se déplaçait dans les locaux de l'université, c'est sûr que pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un repas, ça fait toujours un repas de moins à payer. Et pour le coup, ça bénéficie à tout le monde, tant aux receveurs qu'aux étudiants qui viennent faire une bonne action, mais qui en échange repartent avec un repas en moins à payer, quoi. Ben ouais, tout à fait. Ouais. Puis, les collations de l'EFS. Franchement, ça vaut le coup. elles sont bonnes, hein, parce que des fois, j'entends des trucs, mais elles sont bonnes. Non, c'est pas un vieux biscuit qui est dans le placard depuis des mois, ça n'a rien à voir. Non. Ok, donc les collectes. Bon, après, vous n'êtes pas sans savoir que la France n'est pas autosuffisante en plasma. Est-ce que vous menez des actions, vous, avec vos bénévoles ? Alors, plasma, nous, on renvoie beaucoup, du coup, évidemment, à l'EFS directement, puisque nous, on ne prélève plus en plasma en local. Après, pour le plasma en tant que tel, c'est vrai qu'on a un peu de mal à lancer la prévention, mais on essaye de plus en plus, dans les collectes, de sensibiliser, c'est-à-dire que si le donneur est pas... peut pas être prélevé en sang total sur notre collecte, on leur dit écoutez, n'hésitez pas à retourner vers l'EFS ultérieurement, voir si c'est pas possible de donner uniquement en plasma, déjà parce que ça manque, mais aussi parce que c'est la plus grosse partie d'un don en sang total, donc c'est toujours bon à prendre. 55%, c'était dans le quiz tout à l'heure. Ouais. Exactement. Mmh. Et puis après, on a nos super bénévoles qui font beaucoup de bouche à oreille, en fait, pour prévenir sur ce besoin-là, et puis et qui le long de l'année, alors soit pendant des interventions là, comme la foire exposition qu'on a fait ensemble, tout à fait, qui ramasse au mois de juin, des ouais. promesses de dons ou qui voilà qui incite pas mal à parler de dons de plasma autour d'eux, etc. Et par le bouche à oreille, on se crée un réseau, que ce soit donneur ou pas au départ. Moi, j'ai récemment deux copines qui sont venues où je connaissais pas, et elle a dit bah aujourd'hui je suis venue, on vient donner avec ma copine. Bah, ils se rendent pas compte que nous, le temps qu'on met à ramener un donneur, c'est des mois de publication, voire vraiment beaucoup de démarchage, etc. Mmh. Et on veut pas passer pour les témoins de Jéhovah qui sonnent à la porte. Voilà. Donc, c'est énorme pour nous, un donneur en plus qui vient entre copains. Voilà, c'est toujours agréable de les voir venir ensemble. Je rebondis sur quelque chose là, sur communication sur les réseaux. Vous êtes active sur les réseaux ? J'essaye en tout cas. Non, depuis cette année, depuis le début de cette année, j'ai relancé un peu tout ce qui est Instagram, Facebook et compagnie. Quoi les sites ? C'est quoi les adresses ? C'est adsb.laneuveville. Ok. Voilà, donc les deux, Instagram, Facebook. Là, j'ai une très chère amie qui m'aide beaucoup à relancer un peu ça, redéfinir une charte graphique, un design qui attire un peu l'œil et qu'on arrive à identifier, puis réussir à se faire une place sur les réseaux, parce que c'est pas évident. Très bien. Donc voilà, on essaye de démocratiser un peu ça, de démocratiser le don et puis de vulgariser aussi beaucoup. Le projet, ça va être de faire des petites vidéos vulgarisation, questions-réponses, pour essayer de sensibiliser de manière plus ludique et puis de toucher un peu des jeunes pour le don. On aime bien ça. Moi j'aime bien après. On la découvre quand la nouvelle charte graphique là ? Eh bien prochainement, là on est en train de l'établir, ne grillons pas les étapes. Ok, juste pour revenir aussi sur les collectes, la prochaine collecte à la Neuveville c'est quand ? Mois de septembre, je ne veux pas dire de bêtises, c'est autour de mi-septembre. Bon bah c'est ouais. Dominique la donnera de toute façon dans son agenda lorsqu'il parlera des collectes du mois de septembre. Merveilleux. Encore un point, donc vous êtes jeune, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis jeune, en effet. Enfin, ça dépend pour qui, parce que pour l'enfant de 5 ans, je ne suis pas forcément jeune. Hein. Vous êtes jeune, donc. un groupe... vous savez qu'un groupe jeune s'est créé au niveau national ? Évidemment. Vous en pensez quoi de cette approche ? Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, à l'époque, j'avais été très sollicitée pour l'intégrer au niveau départemental, et faute de temps, j'avoue que c'est compliqué. Parce que du coup, j'ai dit tout à l'heure, je suis entre Nancy et Lyon, donc compliqué de jongler. Non, stop. À moins que tu me payes l'essence et l'hébergement. Et non, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate dans les rangs de nos associations respectives que la majeure partie des bénévoles sont souvent plus âgés que moi. Déjà, mais dans les personnes plus âgées que moi, il y a surtout beaucoup de personnes qui sont retraitées. Et qui ont plus de temps. Et qui ont plus de temps par le fait, pas forcément pour tout le monde, mais qui ont déjà un certain âge, ou voire qui ne peuvent plus donner, en fait, parce que généralement, des bénévoles qui se sont lancés, c'était des donneurs au départ, sauf que aujourd'hui, l'âge se faisant, on ne peut plus forcément donner. Donc moi, je pense que c'est une bonne initiative dans la mesure où c'est... Et un engagement bénévole, certes, mais c'est aussi un acte citoyen. Et puis, ça fait toujours plaisir à un recruteur sur un CV de voir qu'on est engagé dans autre chose que son boulot et qu'on est motivé par d'autres choses que gagner de l'argent à son travail, quoi. C'est vrai. Ça apparaît sur les CV, je confirme. Voilà. Juste avant le mot de la fin, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter l'émission Elsa, mais Dominique et moi, on avait fait un petit appel là pour savoir si des bénévoles voulaient prendre notre relais. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser quand même ou... Moi, avec plaisir, avec mon métier, c'est... C'est vrai ? C'est dans la lignée, donc. C'est vrai ? Ben oui, mais moi, j'appelle surtout les gens à venir dans mon asso pour m'aider. Eh bien, je laisse donc la parole à Elsa qui va prendre les commandes de l'émission. Non, j'ai malheureusement très peu de temps aujourd'hui. Ah, mais on va en reparler alors de ça, tu vois, Dominique ? Eh ben un peu, voilà, c'est voilà, une bonne idée. En live, là, comme ça, on découvre... J'ai été pris de court, j'ai été obligé de dire oui. Aidez-moi, au secours. Non. Allez, mais on en reparlera. Avec plaisir. Allez, le mot de la fin, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre les gens de venir donner leur sang lors du collecte mobile ou en maison du don ? Eh bien, je dirais que déjà, premièrement, quelque part, c'est un bien pour vous parce que vous aurez un petit suivi de santé gratuit. Et ça, ça fait toujours plaisir. Okay. Non, en réalité, je dirais surtout qu'il ne faut pas attendre d'être concerné pour donner. C'est-à-dire que tous les jours, on peut se retrouver confronté à un besoin de sang, que ce soit un accident, un accouchement, une maladie, parce que les dons de sang ne servent pas seulement en transfusion, mais aussi en confection de médicaments. Donc, nombreux sont ceux qui en ont besoin chaque jour pour pouvoir survivre, finalement. Donc voilà, il ne faut pas attendre d'être confronté à ce besoin-là pour venir donner, tendre le bras. Ça prend 10 minutes de votre temps pour donner, une petite heure en tout, le temps de faire tout bien comme il faut. Mais c'est surtout, avant tout, un moment qu'on partage avec beaucoup de gens et beaucoup de sympathie. Donc voilà, et puis même si on ne peut pas donner, l'essentiel, c'est d'en parler. Merci Madame la Présidente, c'était un grand mot de la fin, mais c'était intéressant. Merci bien. Merci à vous. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors Dominique, en ce début des vacances d'été, où peut-on aller sauver des vies dans le département ? Eh bien, entre deux bains de soleil, comme je l'ai dit, eh bien, le samedi 11 juillet à Nancy Thermale de 9h à 13h pour y donner votre sang et puis après, vous pourrez aller dans les bulles du jacuzzi. Ou alors à Neufmaison le 6 juin, à Saint-Max le 16, à Fléville devant Nancy le 22, à Liverdun le 17, Rosières-aux-Salines le 27 juillet, à Vézelise le 24 et à Diarville, hein, c'est juste à côté des Vosges, le 20 juillet. Et à Toul, à la salle de l'Arsenal, toute la journée du 31 juillet, avec une petite pause de midi à 15h30, vous pourrez donner. Ensuite à Custine, le 24 juillet, comme de la majorité des collègues, c'est de 16h à 19h30. À Blénaud-les-Ponts-à-Mousson, le 23. À Montauville, le 7 juillet. À Gerny, le 13 juillet. Et attention, là, les horaires, c'est de 14h à 19h. Et si vous bougez un peu plus, en Moselle, par exemple, à Château-Salins, c'est le 30 juillet. Et comme toujours, je vous conseille d'aller sur votre téléphone portable pour télécharger l'application Don de sang. Elle vous permettra de trouver les dates des collègues quand vous serez en vacances au bord de la mer ou à la montagne. Profitez de ces beaux jours et du temps que vous avez pour tendre votre bras quelques minutes. Et puis sur votre portable, vous pourrez également réserver une place dans les maisons du don pour donner votre plasma ou votre plaquette ou tout simplement votre sang. Merci Dominique pour cet agenda complet. Ça y est, le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, vendredi 7 août à 12h30, avec un nouvel invité pour la dernière de la saison.